Fred. C'est ma vie, mec. Je te présente ma vie. Je te la donne dans ta main. T'entends ce sample, mec? C'est mon son, mec. T'as envie de pleurer maintenant, hein? T'as les frissons dans ton corps, hein? J'suis un des meilleurs producteurs, mec. Tu le sais, mec. C'est ma vie, mec, c'est celle de Hérodé. Mes chagrins, mes plaisirs, c'est ceux de Hérodé. De bas en haut, ma vie, je l'aime, man. Artiste incompris, casse-toi et fume ta canne. C'est ma vie, mec, c'est celle de Hérodé. Mes chagrins, mes plaisirs, c'est ceux de Hérodé. De bas en haut, ma vie, je l'aime, man. Artiste incompris, casse-toi et fume ta canne. 3 mai 78, Genève, Versy de Rive. Naki Ernest, personnage à la dérive. Père Hugo, mère Polo, j'suis un bâtard. On m'appelle rouge, car je bouffe tard, couche tard. Donna Sommer, Johnny Watson dans mon berceau. J'étais le dessin de Redman, mais un bon garçon. Musique, amour, de ma vie après ma maman. Papa reparti au ciel, mon sort n'était pas charmant. Jardin d'enfant, école enfantine. Je ne comprenais rien, j'avais toujours bonne mine. Ma seule famille, c'était ma mère et mes voisins. Bouchouguier, Macha, Allah, c'est mes cousins. Public Enemy, Randy MC, Frangin. À l'âge de 8 ans, j'étais peur à Frangin. Je m'imaginais pas un futur comme le mien. Je jouais au foot et je trouvais ça très bien. C'est ma vie, mec, c'est celle de Hérodé. Mes chagrins, mes plaisirs, c'est ceux de Hérodé. De bas en haut, ma vie, je l'aime, man. Artiste incompris, casse-toi et fume ta canne. C'est ma vie, mec, c'est celle de Hérodé. Mes chagrins, mes plaisirs, c'est ceux de Hérodé. De bas en haut, ma vie, je l'aime, man. Artiste incompris, casse-toi et fume ta canne. J'étais Gabriel, je suis devenu Damien. C'est sûr. Fuck le foot, fout de la merde et mon destin. Je kiffe les clopes, les cônes, le whisky. Extra champi, la coco si Amsterdam, London, big up, Robert. Peut-être grâce à toi, je vois la vie de travers. Peut-être grâce à toi, je suis plus tordu. Tu chies sur Red, man à man, t'es foutu. Baiser avec Paula, Olga, Tamara. Réel et Def, Playboy, les meufs, sayonara. SOF, RIP, Ben, Chris. Premier fat, son de neuf, je, on était 6. Psychotique, raga raga, Red Solo. Je fumais tellement spliff, j'étais comme Yami Bolo. J'étais heureux, mais toujours pété. Ma mère pleurait et priait pour le Hérodé. C'est ma vie, mec, c'est celle de Hérodé. Mes chagrins, mes plaisirs, c'est ceux de Hérodé. De bas en haut, ma vie, je l'aime, man. Artiste incompris, casse-toi et fume ta canne. C'est ma vie, mec, c'est celle de Hérodé. Mes chagrins, mes plaisirs, c'est ceux de Hérodé. De bas en haut, ma vie, je l'aime, man. Artiste incompris, casse-toi et fume ta canne. Bye bye, Nefje, what's up, NY. Bye bye, SOF, what's up, Def Jam. C'était comme un rêve, mais c'était réel. Tchatché avec mes idoles, fumer des L. J.I.D. m'a tu, je voulais rentrer à l'Uni. C'était trop roche, maman me dit va chez mamie. Et me voilà, 5 ans ont déjà passé. Une meuf est partie, avec l'autre ça va casser. MTV Obus, I'll hoop up your heads. Yo, dis-moi où est le pèse. Il est chez les voleurs, chez les majeurs. Indépendant je serai, tu voleras pas mon cœur. Artiste incompris, laisse-moi pleurer. Je te dis la vérité, je te fais pas chier. Réel et Def, entité mal comprise. Casse-toi de ma face avant que je pique ma crise. C'est ma vie, mec, c'est celle de Hérodé. Mes chagrins, mes plaisirs, c'est ceux de Hérodé. De bas en haut, ma vie, je l'aime, man. Artiste incompris, casse-toi et fume ta canne. C'est ma vie, mec, c'est celle de Hérodé. Mes chagrins, mes plaisirs, c'est ceux de Hérodé. De bas en haut, ma vie, je l'aime, man. Artiste incompris, casse-toi et fume ta canne. C'est ma vie, mec, c'est celle de Hérodé. Mes chagrins, mes plaisirs, c'est ceux de Hérodé. De bas en haut, ma vie, je l'aime, man. Artiste incompris, casse-toi et fume ta canne. C'est ma vie, mec, c'est celle de Hérodé. Mes chagrins, mes plaisirs, c'est ceux de Hérodé. De bas en haut, ma vie, je l'aime, man. Artiste incompris, casse-toi et fume ta canne. C'est ma vie, mec. Réalité, Fred. 25 ans de sagesse. Tout ce que je te demande, c'est de me foutre la paix. Salope, connard, fous-moi la paix. Tu vois, mec, tu changes de trottoir. C'est tout ce que je te demande. Fous-moi la paix. Au booster, yo.